Dieu, c'est l'argent, notre religion, c'est l'économie, notre grand maître, c'est l'investisseur, et l'enfant de cœur, c'est le gouvernement. Peu importe s'il y a des blessés, ils seront sacrifiés, peu importe s'il y a des morts. Il y a des sans-abri, de toute façon leurs vies sont finies. Les malades seront à la masse, ils seront morts pour une bonne cause.